Yeah. Ooh, ooh, ooh. Let's get it. J'étais parti, mais dans ta vie, je vais revenir. Loin de moi, combien de temps tu peux tenir? Si je manque, dis-le, mets ta fierté de côté. Ne parle pas la face, j'entends ton cœur m'appeler. Mais dis-moi, pourquoi t'hésites? Si tu m'écris, que tu supprimes. Ensuite, tu réécris la vérité, tu l'as vu. Mon regard aussi, quand c'est pas fini. Bon, tu nies, ouh. Donc pourquoi faire semblant? Je le sais, tu me veux. Tu me veux. Je fais pas semblant, tu le sais, je te veux. Je te veux. Alors rejoins, on recommence à zéro. Yes. Et le premier pas, on le fera à deux. Tout ça, faut oublier, baby. C'est du passé. Tu peux pas passer devant. Tu peux pas passer. Non. Et puis là, même sans moi, non. Non. Dormir sans moi, non. Non. Dormir n'est plus là, même. Avoue-le, j'aimerais que je revienne, avoue-le. T'es plus le même sans moi, non. Non. Dormir sans moi, non. Non. Ta vie n'est plus la même, avoue-le. J'aimerais que je revienne, avoue-le. C'est fini, mais je vais te voir revenir. C'est fini, ni sans moi, ce sera pas pareil. Avec moi, tu fais que de bégayer, sale. C'est quoi le but? Tu parles toujours en zigzag. J'suis pas trop là. J'avoue, moi j'comptais sur toi. Puis j'me rappelle ce qui s'est passé. J'avais que du love avant ça. Tout ça, faut oublier, baby. C'est du passé. Tu peux pas passer de moi. Non. T'es plus la même sans moi, non. Sans dormir, sans moi, non. Ta vie n'est plus.